إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى nous allons expliquer un hadith qui fait référence à une invocation importante. Cette invocation attire notre attention tout particulièrement car elle bénéficie d'une appellation que lui a donnée le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui lui donne justement cette place importante. Cette invocation s'appelle Sayyidu l'Istighfar, Sayyidu al-Istighfar, qui signifie la plus noble des invocations concernant l'imploration du pardon d'Allah, ou bien la plus importante des invocations concernant l'imploration du pardon d'Allah. Nous allons la découvrir, en expliquer le sens et montrer ses bienfaits et ses mérites par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. An Shaddad ibn Awsin radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ورقم الحديث est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sur le numéro 6306. Nous n'allons pas traduire cette invocation tout de suite, mais plutôt expliquer chaque phrase et ces termes clés, ces termes importants qu'elle contient. Finalement, on donnera une traduction de sens de cette invocation. Sachez que l'imam al-Bukhari, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a placé ce hadith dans le chapitre qu'il a intitulé « Babu afdali l'istighfar », c'est-à-dire le chapitre concernant la meilleure invocation sur la demande de pardon. C'est comme si l'imam al-Bukhari venait expliquer le terme de Sayyid, Sayyidu l'istighfar. Sayyid ici qui veut dire afdal selon l'imam al-Bukhari, à savoir la meilleure invocation concernant la demande de pardon ou la plus noble. Puis dans le même chapitre, avant de citer le hadith, l'imam al-Bukhari a cité deux versets coraniques pour appuyer et étayer en termes de preuve, ce chapitre-là. Il dit, ou il cite le verset coranique suivant. قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. En sourate Nour, les versets 10 et 11. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, lui qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. Tous ces bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala va descendre sur ces gens est une résultante de l'imploration de leur pardon. Car la formulation implique cela en arabe, il y a une condition et la réponse à cette condition. Si vous implorez le pardon de votre Seigneur, alors il vous enverra du ciel ceci et cela. De même, l'imam al-Bukhari va citer un deuxième verset coranique dans le même sujet. قال الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصغروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Surat Ali Imran. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, c'est-à-dire en désobéissant à Allah, ils se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Al-istighfar, c'est la demande de pardon. Wa talab al-ghufran. Al-ghufran wa al-maghfira est un terme qui dérive de la racine verbale ghafara. Ghafara, qui comprend deux sens intrinsèquement. Le premier est le fait de cacher et de dissimuler. Ghafara veut dire, dans la langue arabe, cacher et dissimuler, voire couvrir. Le deuxième sens qu'on retrouve dans cette racine trinitaire du terme ghafara est le fait de protéger. C'est pour ceci que l'armure que portaient les combattants au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, et bien avant aussi, et qui couvrait tout leur corps, voire leur visage, s'appelait un mirfar. Mirfar, vous retrouvez ici que ce terme mirfar est lié à cette racine trinitaire des trois lettres ghafara, mirfar. Pourquoi les Arabes l'appelaient ainsi? Car cette armure, ce mirfar, protégeait non seulement tout le corps, mais aussi le couvrait et le dissimulait. Si vous avez compris cela, nous allons passer au sens religieux du terme ghafara. Ce terme, religieusement parlant, est utilisé pour signifier le pardon. Car lorsque le serviteur implore le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cela implique d'une part qu'il lui demande de cacher et dissimuler son péché et son erreur et sa désobéissance aux yeux des gens. Et d'autre part, de le protéger des mauvaises conséquences et répercussions de ce péché. C'est comme si le serviteur, lorsqu'il dit « Astaghfirullah »« Oh Allah, j'implore ton pardon », c'est comme s'il disait « Oh Allah, cache-moi ce péché et ne m'en tiens pas rigueur et préserve-moi de ses mauvaises conséquences. » D'ailleurs, c'est ce qui différencie « al-istighfar », la demande de pardon, ou « al-af ». Lorsque nous disons dans les do'as, notamment ces 10 derniers jours, dans les nuits impaires, Ya Allahu Allahumma antal afu tuhibbul afu fa'fu anna. On demande qu'Allah tabarak wa ta'ala, on demande d'Allah al-afu. Qu'est-ce que l'afu? L'afu, en fait, c'est le fait de demander à Allah l'absolution du péché. C'est-à-dire qu'Allah efface ce péché. Alors que l'istighfar, c'est le fait de demander qu'Allah couvre ce péché et te protège des mauvaises conséquences de celui-ci. De ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam, a qualifié cette invocation qui comprend des termes indiquant le repentir vers Allah tabarak wa ta'ala comme étant la meilleure, la plus noble et la plus méritoire des invocations concernant la demande de pardon. Allons maintenant décortiquer un petit peu cette invocation et voir quels sont les sens magnifiques qu'elle renferme. Tout d'abord, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, dans cette invocation, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Oh Allah, tu es mon Seigneur, nulle divinité digne d'être adorée sauf toi, tu m'as créé et je suis ton serviteur. Le serviteur ici affirme d'abord sa servitude et sa pleine soumission à Allah tabaraka wa ta'ala en affirmant son unicité dans la seigneurie et dans l'adoration. Anta Rabbi, la ilaha illa anta. Il est important, lorsqu'on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, d'une manière générale, de débuter son invocation par les louanges d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que les prières et les salutations sur le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci en regard de ce que nous a enseigné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans le sunan de l'imam al-Tirmidhi, sur le numéro 3476. An Fadalah ibn Ubayd qala bayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'idun idh dakhara rajulun fa salla fa qala Allahumma ighfir li warhamni fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajilta ayyuha al-musalli إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم دعوه. ثم قال صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي أدعو تجب. D'après فضالة ابن عبيد, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis, un homme entra et pria. Puis il dit, ô Allah, pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ayant entendu cette parole, lui dit alors, tu t'es empressé, ô prieur, lorsque tu pries et que tu es assis, loue Allah par les louanges qui lui sied et adresse les prières et les salutations sur moi, puis invoque. Il dit, puis un autre homme se mit à prier après lui. Il loua Allah et adressa les prières et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si cette personne avait entendu le message d'Allah faire cette réprimande à cette première personne. Donc, ayant compris la leçon, il pria de manière correcte et invoqua de manière correcte. Le prophète lui dit alors, ô toi le prieur, invoque et tu seras exaucé. Il en est de même dans cette invocation. Ou avant de demander le pardon, à proprement parler, on loue Allah tabaraka wa ta'ala par les louanges qui lui sied. Le fait de réaffirmer ici l'unicité d'Allah et reconnaître ton statut de serviteur indigent envers son Seigneur est une des causes par lesquelles ton invocation sera exaucée. La servitude ici, lorsque nous disons « wa ana abduka » et « je suis ton serviteur », la servitude renferme ici les deux types de servitude. Cette servitude universelle sur laquelle le serviteur n'a pas le choix. Il est un serviteur d'Allah, soumis aux règles de cette création. Il ne peut sortir du royaume ni s'y soustraire. C'est une servitude subie. Le deuxième type de servitude est la servitude dite religieuse, où le serviteur, du fait de son libre arbitre, décide et accepte en âme et conscience d'être le serviteur d'Allah et soumis à lui dans ses lois religieuses. Il sera récompensé pour ce choix-là le jour du jugement. Donc, lorsque l'on dit « je suis ton serviteur, ana abduka », on signifie par cela les deux types de servitude. Al-ubudiyatul kawniya wa shar'iyya, la servitude universelle, celle sur laquelle nous n'avons pas le choix, celle qui est subie par le serviteur, et la servitude dite religieuse, celle qui est choisie par le serviteur. Ensuite, dans cette invocation, le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, wa ana ala ahdika wa wa'dik. Je me conforme à ton pacte et je crois en ta promesse autant que je le peux. Laissons pour l'instant autant que je le peux et expliquons la parole « je me conforme à ton pacte et je crois en ta promesse ». C'est-à-dire que je reste fidèle à l'engagement que j'ai pris de t'adorer, de t'obéir, de me conformer à tes ordres, d'éviter tes interdits, de te servir, etc. Comme je crois fermement et déclare véridique ta promesse de récompenser les bienfaisants, les obéissants et les vertueux. C'est un pacte qu'Allah a pris de nous via les messagers, comme nous le verrons un peu plus tard, inshallah tabaraka wa ta'ala. Puis ensuite, le prophète a dit, juste après, « mastata'tu » autant que je le peux. C'est-à-dire, je me conforme à ton pacte et je crois en ta promesse autant que je le peux. À savoir, suivant mes capacités et non pas selon ce que tu mérites réellement. C'est-à-dire que le serviteur ne pourra jamais en réalité restituer le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala pleinement. Cela est au-dessus des capacités de l'être humain. C'est pour cela que l'on dit « autant que je le peux ». Il reconnaît par cela sa faiblesse et son incapacité. Cela soulève un point important. Est-ce que nos adorations, notre obéissance, notre dévotion sont à la hauteur des récompenses promises par Allah tabaraka wa ta'ala? La réponse est non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith de Abi Sa'id ibn al-Khudri, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنه احد الا برحمه الله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وقال بيده فوق رأسه. Hadith rapporté par l'imam Ahmed est authentifié ou rendu bon par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Targhib sous le numéro 3599. D'après Abi Sa'id radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Ils ont dit: même pas toi, ô messager d'Allah. Le prophète de répondre: même pas moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Et il fit un signe avec sa main au-dessus de sa tête. Et dans une version de l'imam al-Bukhari, le prophète a cité sallallahu alayhi wa sallam: saddidu wa qaribu tadkhulul jannata. C'est-à-dire, visez la perfection, le juste, rectifiez-vous, et si vous ne le pouvez pas, alors faites en sorte de vous en approcher. C'est-à-dire, déployez tous vos efforts afin d'être sur le juste et le vrai. Il est clair que nos actions, aussi nombreuses soient-elles, ne sont pas suffisantes pour mériter ce qu'Allah a préparé comme récompense pour ses serviteurs dans le paradis. Pas même celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les bonnes actions sont une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah. Et c'est uniquement par la miséricorde d'Allah que les habitants du paradis vont y entrer. De ce fait, il est de notre devoir d'adorer Allah en déployant tous ses efforts et selon la force et la capacité qu'Allah nous a donnée. En faisant cela, Allah nous couvrira de sa miséricorde et nous fera entrer au paradis. Quant à ce qui est au-dessus de nos moyens et de notre capacité, Allah ne nous en tient pas rigueur. Quatrième phrase que le prophète a citée dans cette invocation, il dit « A'udhu bika min sharri ma sana'at » « Je cherche protection auprès de toi contre le mal que j'ai commis », c'est-à-dire que je me réfugie auprès de toi et te demande de me protéger des mauvaises conséquences de mes péchés. Et les mauvaises conséquences des péchés peuvent survenir dans cette vie d'ici-bas comme elles peuvent survenir dans l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Pas du tout. Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. C'est-à-dire que le châtiment de leurs mauvaises actions sera que leur cœur sera couvert et imperméable à la vérité. Al-Hassan al-Basri a dit concernant ce verset coranique: ce sont les péchés commis les uns après les autres jusqu'à la mort du cœur. Je vous ai cité ici un seul exemple des conséquences fâcheuses des péchés, qui est la mort du cœur. Et lorsque le cœur meurt, il ne réagit plus au bien. Il est insensible au rappel et ne souffre plus lorsqu'il est exposé au mal, à la désobéissance ou au péché. Comme le disait le poète: Man yahun yashulil hawanu alayhi ma li jurhin bi mayyitin ilamu. Celui qui s'humilie par les péchés minimisera le fait qu'on l'humilie, c'est-à-dire que il ne sera pas gêné qu'autrui puisse l'humilier. La mort ou le mort ne ressent plus la douleur d'une blessure. Le mort ne ressent plus la douleur d'une blessure. Dès que le cœur est mort, il ne réagit plus. Lorsqu'il est exposé au mal, il ne réagit plus, il n'est plus touché par ce mal, car il est mort. Et lorsqu'un bien se présente à ce cœur, il ne s'en réjouit pas. Qu'Allah nous en préserve. C'est une des mauvaises conséquences des péchés et une des plus dangereuses. Cinquièmement, le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam dans cette invocation: Abu ulaka bi ni'matika alay wa abu ulaka bi dhanbi. Je reconnais tes bienfaits à mon égard et je reconnais mes péchés. Être reconnaissant des bienfaits d'Allah nécessite cinq choses de la part du serviteur. Premièrement, c'est le fait de reconnaître les bienfaits d'Allah et de lui attribuer ses mêmes bienfaits. Ne pas les contester, ne pas les renier et ne pas les attribuer à autrui. Deuxièmement, c'est le fait de les proclamer. Comme Allah le dit, tabarak wa ta'ala, « وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ » Quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Troisièmement, il faut y être reconnaissant par le cœur. Quatrièmement, il faut y être reconnaissant par la langue. Cinquièmement, il faut y être reconnaissant par les membres du corps. En résumé, la reconnaissance des bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, se concrétise en soumettant tout son corps, sa langue et son cœur à ce qu'Allah aime et agrée, ou ce qui vient réaliser l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. De même, il faut aussi reconnaître ses péchés, car cela est une porte vers le repentir et l'imploration du pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous avions cité le verset cité par l'imam al-Bukhari dans ce chapitre. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Ils se souviennent d'Allah, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont fauteurs et pécheurs. Et à ce moment-là, ils implorent le pardon d'Allah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dit, quant au fait de reconnaître son péché en humiliation devant Allah, sans pour autant se détacher de ce péché, revient à implorer le pardon d'Allah sans se repentir pleinement avec les conditions du repentir. Pour vous donner un cas précis, c'est comme si une personne implore le pardon d'Allah ou se repent tout en continuant à faire ce péché sans regretter. De même, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle le cas du prophète Younous alayhi salat wa salam qui reconnut sa faute. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. يظنون يونس عليه السلام lorsqu'il partit irrité. Il désobéit à l'ordre de son Seigneur. Au lieu d'aller vers ce peuple et les inviter à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, il prit la route opposée et partit. Il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le ventre du poisson, l'appel que voici, point de divinité à part toi, pureté et gloire à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Il a reconnu son erreur. Quelle était la conséquence de cet aveu de faiblesse de la part de Younous? Fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham. وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Écoutez cette histoire que je vais vous raconter de l'Ahnaf ibn Qais, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il se rappela la parole d'Allah, لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Le verset numéro 9 de la sourate Al-Anbiya, sourate 21. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas? Il dit, Al-Ahnaf ibn Qais, je dois prendre le Coran et que je puisse prendre mon rappel de la journée afin que je sache qui je suis et à qui je ressemble, où je me situe. Il déploya le Coran et commença à lire, passant d'une situation à une autre, d'un peuple à un autre. Lorsqu'il passa par les descriptions des croyants et leurs adorations, il reconnut qu'il était déficient, mukassir. Et lorsqu'il passait ou lisait les passages sur les gens du feu, il cherchait protection contre ce dernier et se désavouait de ses habitants. Mais il ne s'arrêta pas vraiment sur un verset, sauf celui-ci, écoutez bien. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. D'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est comme s'il avait découvert un immense trésor. Il dit, ce sont ceux-là, c'est-à-dire qu'il s'est reconnu dans ce verset et dans la description qu'Allah en a donnée des croyants. Et d'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé des bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir. Ici, le « il se peut » signifie qu'Allah va accueillir leur repentir. Car à chaque fois que vous voyez « asa » qui est lié au nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cela implique que l'action va se dérouler sauf dans un endroit du Coran. Sauf dans un seul endroit du Coran. Voilà le mérite de reconnaître ses péchés. C'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, va t'ouvrir la porte du repentir et de l'istighfar. Sixièmement, il dit « Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta » Pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés sauf toi. Après avoir proclamé l'unicité d'Allah dans sa seigneurie et son adoration, après avoir reconnu sa pleine servitude envers lui, après avoir réitéré son engagement à se maintenir sur la droiture selon ses capacités, après avoir réaffirmé qu'il croit en la promesse de son Seigneur et ses récompenses, après avoir reconnu les bienfaits d'Allah sur lui, tant apparents que cachés, après avoir reconnu ses erreurs, ses péchés et ses manquements, c'est à ce moment-là qu'en pleine humilité devant Allah, qu'il implore le pardon de son Seigneur, en soulignant le fait que le pardon des péchés est un attribut qui lui est spécifique à Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ Nul ne pardonne les péchés sauf toi. On remarque une fois de plus que la demande à proprement parler doit être précédée par les louanges, par le fait de manifester son indigence vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout cela est comparable à un tawassul, c'est-à-dire un moyen ou une cause afin d'arriver à l'absolution des péchés. Ensuite, le prophète disait, alayhi salatu wa salam, en conclusion de cette invocation, وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ Celui qui la prononce en journée, par conviction, et meurt dans la journée avant d'arriver au soir, fait partie des gens du paradis. Et celui qui la prononce pendant la nuit par conviction et meurt dans la nuit avant d'arriver au matin fait partie des gens du paradis. Celui qui la prononce en étant convaincu de tout ce qu'il a dit et reconnu et des récompenses d'Allah tabaraka wa ta'ala pour les gens vertueux et repentants et meurt sur cela fait partie des gens du paradis. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala dit dans ce sens: cette demande de pardon comprend le fait que le serviteur reconnaît la seigneurie d'Allah, son droit à être adoré et son unicité, qu'il reconnaît qu'il est son créateur et celui qui le connaît parfaitement. Dès le moment où il est créé, cela implique sa faiblesse et son incapacité à restituer pleinement le droit de son seigneur. Il sera déficient à ce sujet. Il reconnaît aussi qu'il est son serviteur soumis à lui. Son toupet est entre ses mains. Il ne peut se soustraire à lui. Et il n'a pas de secoureur en dehors de lui. Cette invocation comprend aussi son engagement à se conformer à son pacte, c'est-à-dire les ordres et les interdits d'Allah qu'il a pris de lui via ses messagers, et cela selon sa capacité et non selon la pleine restitution du droit d'Allah, car cela est au-delà de la capacité humaine, mais juste relevant de l'effort de celui qui ne peut que le minimum selon ses capacités. En plus de cela, il déclare véridique la promesse de la récompense qu'il a faite aux gens obéissants, comme la promesse du châtiment pour les désobéissants. Il déclare être sur la droiture, pleinement convaincu de cette promesse. Cette invocation renferme aussi l'imploration de la protection des péchés qu'il a pu commettre, car s'il ne le protège pas de ce mal, il sera alors envahi par la perdition. Et ne pas respecter le droit d'Allah est une des causes de perdition. Il dit au final: je reconnais tes bienfaits sur moi comme je reconnais mes fautes et mes péchés. De toi proviennent les bienfaits et la bienfaisance, et de moi les péchés et la nuisance. Je te demande de me pardonner d'absoudre mes péchés, car nul ne pardonne les péchés sauf toi. Voilà pourquoi cette invocation fut appelée Sayyid al-Istighfar, car elle renferme la pleine servitude. Et quelle bonne action restera-t-il après pour le croyant sincère face à ses défauts et à ses actes déficients et face au bienfait d'Allah sur lui. En conclusion, les mérites de l'istighfar sont nombreux et son importance a été confirmée par le Coran et la Sunna. Allah dit tabaraka wa ta'ala « Wastaghfirullah, inna Allah ghafurur rahim » et implorez le pardon d'Allah car Allah est pardonneur et miséricordieux. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Et celui qui commet un mal ou fait du tort à sa propre personne, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Allah vante les croyants et parmi leurs caractéristiques, ceux qui implorent le pardon d'Allah aux dernières heures de la nuit. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah n'est pas à même de les châtier alors que tu te trouves parmi eux, ô Muhammad. Et Allah n'est pas à même de les châtier alors qu'ils implorent le pardon. Ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, a dit « Allah a descendu deux sécurités. Quant à la première, elle a été reprise par la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la deuxième, elle est toujours présente. C'est le fait que les gens implorent le pardon d'Allah. Et l'imploration du pardon d'Allah est une sécurité contre le châtiment. Il convient à toute personne d'apprendre et de réciter souvent cette invocation, notamment lors des invocations du matin et du soir. Car comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui la prononce en journée par conviction et meurt dans la journée avant d'arriver au soir fait partie des gens du paradis. Et celui qui la prononce pendant la nuit par conviction et meurt la nuit avant d'arriver au matin fait partie des gens du paradis. Il y a donc deux moments propices pour la dire. Le matin après la prière du Fajr et le soir après la prière du Asr ou celle du Maghrib. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته